Les trois princesses, deux contes, récit et scène en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les trois princesses, Ernest et Gouvet. Trois cousines étaient au pays des romans, possédant toutes trois le rang et la fortune. Possédons de plus trois amants, entendons-nous un pour chacune. On ne se battait pas plus alors qu'aujourd'hui, mais on se battait tout de même. La mauvaise herbe de l'ennui ne croit pas dans le champ qu'on laboure et qu'on sème. Or, on ne se faisait pas les choses à demi. On suivait en cela le livre des apôtres, qui disait que ces temps sont éloignés des nôtres. Volez votre voisin, pillez votre ennemi, et mangez-vous les uns les autres. La guerre éclata donc. Je ne sais plus pourquoi. Entre gens qui veulent se battre, un prétexte suffit, de médiocre à loi. Pas n'est besoin d'en chercher quatre. Aussitôt guerrier d'accourir, éclairant de sonner et bourse de s'ouvrir. C'est par là qu'on finit, c'est par là qu'on commence. Beau temps pour les aventureux, pour les traîneurs de sabre et les porteurs de lance. Mauvais temps pour les amoureux. Les nôtres firent contenance. Il était brave, sans mentir. Et manier le fer mieux que toute autre chose. Toutefois, il aurait bien voulu, je suppose, rester. C'est pour cela qu'ils voulurent partir. En cette occasion, que firent nos princesses? Qu'on soit princesse ou non, le titre importe peu. Une âme se dévoile en un suprême adieu. Et les adieux toujours sont féconds en promesses. Partez, dit la première, et revenez vainqueur. Ma main est à ce prix. Vaut-elle une couronne? Méritez-la, je vous la donne. La seconde pleura, « Vous emportez mon cœur, il s'éloigne avec vous, il reviendra de même. Et vainqueur ou vaincu, je reste tout à vous. Allez, revenez, je vous aime. » Quand vint le tour de la troisième, « Oh mon amant, oh mon époux, ton amour est toute ma vie. Pour l'avoir menacé, autant l'avoir ravi. N'expose pas mes jours en exposant les tiens. Tu ne t'appartiens plus dès que je t'appartiens. Reste, reste. » Ainsi dit, « Que croyez-vous qu'ils firent ? Ce que plus d'un autre ont leur lieu, eux fait, ferait encore et fera, plaise à Dieu. Le dernier demeura, les deux autres partirent. C'est une belle mort que celle d'un soldat. Mais pour qui n'en a pas envie, pour qui n'est pas jaloux du bruit et de l'éclat, rien n'est aussi beau que la vie. La guerre dura peu, dès le premier combat. Les deux futurs cousins se convirent de gloire, luttèrent en lion, gagnèrent la victoire. Mais furent tués tous les deux. Quoi? Tués? Oui, tués. Vilain mot, triste chose. Qu'on la décrive en vers ou qu'on la conte en prose. Mourir quand on est jeune et qu'on est amoureux. Passons sur ces détails. Mais que dire les dames? Croire qu'en ce moment leur douleur se contint. Non, c'est quand le foyer s'éteint. Qu'on juge seulement du ravage des flammes. Ce furent cris et désespoir. Ô princesse barbare! Admire ton ouvrage. Ô perte irréparable et qu'il fallait prévoir. Ne connaissais-tu pas son orgueil, son courage? Et toi, cruel amant, si prompt à me trahir. Trop docile, instrument d'un ordre dérisoire. Tu me préférais donc la gloire? Il fallait me désobéir. Il fallait. Il fallait encore davantage n'être pas quand on est, être quand on n'est pas. Je crois que les morts ici-bas sont et sommes les seuls qu'on aime sans partage. Cependant, le troisième amant, valide grâce à Dieu, sauvé grâce à sa belle, reçut la terrible nouvelle. Non sans un lent tressaillement, que suivit un soupir d'une douceur extrême, l'homme étant ainsi fait, alors comme aujourd'hui, que souvent le malheur d'autrui lui conseille un retour consolant sur lui-même. Donc, l'air pensif et le fond soucieux, il se rendit chez sa maîtresse. Et lui raconta à tour en se cachant les yeux. « Pourquoi pleurer ?» dit la princesse. « En se vant leur pays, ils ont trouvé la mort. Leurs amants sont trop heureuses, et je porte envie à leur sort. Laissez-nous les âmes heureuses. Il fallait, malgré moi, vaincre et périr comme eux. Ils ont rempli la grande tâche. J'honore leur valeur. Je vous aimerais mieux pleurer comme un héros que chasser comme un lâche. Que fit notre amant morfondu ? Plus d'un se fut noyé, plus d'un se fut pendu. Un autre eut pris la chose avec philosophie. Il choisit le poison, Mais voyez le retour, bien folle et qui s'y fit, quand les cœurs féminins, même dans leur amour, à peine la princesse en reçut la nouvelle, que, prise de pitié pour un pauvre garçon, qui prouvait son chagrin de pareille façon, il se mit encore à l'aimer de plus belle. Elle courut chez lui tout en pleurs, l'œil hagard, veuve sans être épouse, amante repentie. Elle arriva bientôt, elle arriva trop tard, le cadavre était là, mais l'âme était partie. Non, vous qui disiez un heureux dénouement, sachez qu'elle arriva tout juste au bon moment. Il ne respirait plus qu'à peine, grâce au contrepoison connu en ce temps-là. Il reprit doucement l'usage de l'haleine, l'amour l'avait sauvé, l'hymen le consola. Dès la première année, ils eurent une fille, un garçon la seconde, ainsi de tous les ans. Ils vécurent heureux comme des paysans, élevant à souhait leurs nombreuses familles. Quand aux deux veuves, par pitié, ne me demandez pas la fin de leur histoire. C'est un fétu si mince que la gloire, un amant qui n'est plus et si vite oublié. Puis, on a des palais, des villes, des provinces. Pour les gérer, que voulez-vous? Toujours une princesse a besoin d'un époux. Et le monde jamais ne chambra de prince. Fin 2. Les trois princesses. Lu par Issam.